Le jeudi 9 mars, ici Dominique Lelièvre et les informations. La Ville de Québec veut devenir le lieu par excellence pour célébrer la Saint-Patrick. Le maire Régis Labeaume et les responsables du défilé de la Saint-Patrick ont fait part ce matin de leurs ambitions à l'occasion du dévoilement de la programmation. Ils souhaitent faire de la fête un rendez-vous régional, voire national. Celui-ci se déploiera cette année sur 3 jours, du 23 au 25 mars. Le traditionnel défilé accueillera des groupes prestigieux des services de police de 3 grandes villes américaines. Et pour la première fois, les restaurateurs de la Grande Allée se joignent à l'événement pour offrir des mets irlandais et de la musique traditionnelle. De son côté, le festiviaire tiendra un événement au Musée de la Civilisation. Régis Labeaume critique vigoureusement le plan de la Chambre de commerce pour l'avenir du pont de Québec. Celle-ci recommande de transférer la propriété du pont à 2 organisations à but non lucratif qui en assureraient l'entretien et la promotion. Mais cette proposition ne tient pas debout, réplique le maire de Québec. Il craint une déresponsabilisation du propriétaire actuel, le Canadien National, et du gouvernement fédéral qui s'est engagé lors de la dernière campagne électorale à régler la question. Régis Labeaume ne voit pas non plus l'utilité de créer une nouvelle structure pour prendre des décisions. Les maires de Québec et de Lévis continuent ainsi de mettre la pression sur le fédéral pour qu'il règle le dossier. C'est officiel, Gabriel Nadeau-Dubois se lance en politique provinciale. L'ancien militant étudiant de 26 ans pourrait se retrouver rapidement à l'Assemblée nationale puisqu'il veut se porter candidat dans l'élection partielle de Gouin, où il souhaite porter les couleurs de Québec solidaire. Il succéderait ainsi à Françoise David, qui s'est retirée pour des raisons de santé. En conférence de presse, Gabriel Nadeau-Dubois a dit favoriser une alliance avec Option nationale, estimant que c'est le seul parti qui partage le projet de société de Québec solidaire. Enfin, les autobus du RTC circuleront 7 jours sur 7, et ce, même si une grève est déclenchée lundi prochain. Le tribunal administratif du travail a approuvé mercredi l'entente sur les services essentiels. L'entente prévoit que les autobus circulent tous les jours de 6h15 à 9h15 et de 15h à 18h. La plupart des parcours seront opérés en semaine. La fin de semaine, certains parcours achalandés sont maintenus, dont la plupart des métrobus. La direction du RTC étudie maintenant la possibilité d'offrir une mesure de remboursement pour dédommager sa clientèle en cas, bien sûr, de grève. Soleil, pluie, neige, vent, tempête, météo. C'est généralement nuageux présentement à Québec, mais Environnement Canada nous met en garde contre de possibles bourrasques de neige. On prévoit de fortes périodes de neige passagère qui pourraient réduire soudainement la visibilité. On attend jusqu'à 2 cm de neige par endroit. Et par ailleurs, les vents seront présents, vont souffler à 30 km/h et rafales à 50. Les températures sont à la baisse aujourd'hui pour atteindre moins 5 cet après-midi. Ça se dégage au cours de la nuit. Demain, vendredi, 40% de probabilité d'averse de neige, un maximum de moins 8 degrés. La fin de semaine sera sous le soleil, mais les températures sont plutôt froides. On parle de moins 14 degrés samedi et de moins 8 degrés dimanche.